Hein. C'est pour les accros du Big Mac ça, et du Coca-Cola, fast food music, les SLK, la ghetto rockstar, original, Punker Bros, ok. Elle aime remixer à la prod. Wesh Pierrot, ça dit quoi, diversion studio, œil de lynx derrière la caméra, à ta santé, ADN prod 9-1. J'ai commencé le peuraille à 10 ans frère, je suis pas de ceux qui visent l'enfer. J'ai esquivé les trucs et toutes les putes qui font prendre 10 ans ferme. Je suis pas un galérien qui par jour filme 95. J'ai pas compté mais je crois que je suis dans la rue depuis 95. J'ai fait des trucs bizarres, c'est qu'à un moment il fallait. J'ai volé dans le passé, dans ma tête je me croyais il valait. La sincérité crame comme un gros spiff dans un altar. Je tiendrai Facebook au jus quand je serai bien dans mes converses au star. Tu m'attrapes dans la street, sur Twitter ou MySpace. Moi je veux la vie d'Elvis, c'est pas chialer lorsque la maïs perd. Je me noie dans la musique, déçu des meufs comme Orelsan. Je suis peut-être le coup de karcher qui viendra nier. Nettoyez vos oreilles sales. Y'a pas à dire, on sait que le fond, la forme, tu pas la mode. Tu es le seul rappeur de France qui pourrait rapper sur du Paramore. Moi et la chance, je peux dire qu'on vit d'amour et d'absinthe. Si ma vie c'est un film, ça serait destination finale 5.